Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct de la station Host. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Étienne Théberge. Salut Fred. David Lambert. Salut Frédéric. Salut. Et Mathieu Bouillon. Chevalier de la table ronde, Halloween. Parce qu'on a reçu nos shopping de bière. Ah, oui. Halloween. Alors, c'est encore Bouillon cette semaine. C'est Mathieu Bouillon. Alors, oui, c'est encore Bouillon cette semaine, mais on s'assume. En même temps, ça fit avec le problème qu'on nous a envoyé cette semaine. Absolument, que je vais mettre sur Twitter tout de suite. Ça pourrait être la nouvelle... tu sais, on reçoit des problèmes, on se met dans une ambiance qui fit avec le problème. Alors, prière de ne plus envoyer de problèmes de viol ou de problèmes, tu sais, juste... Tout ça, là, c'est plus difficile là, comme ambiance. Mais en même temps, on a toujours fait le pédo pour nous ramener à l'ordre là-dessus. Oui. Oui. C'est sûr. Hey, je mets ça sur Twitter, mais quelqu'un veut... je vais vous dire, c'est quoi, pas de problème avant? Hein? C'est quoi? Moi, je sais pas. Ben oui, c'est la balado-diffusion, 4 experts en rien, c'est provise experts en tout, le temps de vous offrir plusieurs solutions pendant que vous vous rendez à votre job ou quelque chose du genre. Wow! Quelque chose du genre. Chez vos beaux-parents, en voiture. Vous prenez votre bain. Oh, oui! C'est vrai. Ou que vous vous rendez au travail dans votre bain. Oh! C'est les problèmes de plomberie, hein? Tout à fait. Mais vous, écoutez-vous des podcasts? J'aimerais dire que oui, mais à l'occasion, j'écoute un épisode. Tu parles de nos podcasts ou de podcasts en général? Podcast en général. OK, parce que je pense que Mathieu n'avait pas compris. Non, tout à fait. J'écoute genre des fois un épisode d'un podcast dont on m'a parlé, mais j'ai peine à créer l'habitude. Moi, j'écoute avec podcast. Pour vrai? Avec podcast. Non, mais il y avait ça, le podcast non, de... j'écoute pas le podcast, j'écoute avec podcast. Oui. Mais il y avait le podcast de... voyons, comment il s'appelle, les pornographes qui s'appelait Avec Podcast. Ah, ouais. Mais Avec Podcast, oui, le groupe. Oui, mais j'écoute pas le podcast d'Avec Podcast. Bon, c'est fait. Donc, quel est le problème d'aujourd'hui, Fred? Moi, j'écoute avec pas de castre. Oh! Ouais, c'est comme... Avec podcast. Ouais. Le groupe indien. Ouais, ça nous vient de Patrick Nadeau. Un autre habitué. Batman! Ça tombe bien parce qu'il n'y avait pas assez d'ambiance musicale. La fin, là. Hey, c'est okay. Les gens nous regardent. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font avec leur iPhone? Qui nous écrit « Bonjour, les pédagogues solutionneurs du fond de l'Internet. » Wow. C'est tout un titre. C'est pas un titre. Oui, j'ai un problème à vous soumettre. Comment organiser le plus gros party de sa région dans la maison de ses parents sans perdre le contrôle? Oh là là, c'est comme un... problème épineux. Oui, mais adolescent aussi comme problème parce que ça fait longtemps. C'est un jeune problème. Mais pas Patrick. Mais oui. Non, le problème, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu à utiliser la maison de mes parents pour faire un party. Mais imagine, tu pourrais peut-être encore. Mais c'est vrai, j'ai hâte d'avoir vos solutions parce que peut-être que je vais en voler quelques-unes pour aller dans mais la moi, maison. Moi, ma région, c'est Montréal-Nord. En fait, c'est tough. C'est le dur. Plus gros party de ta région, là, c'est. Il y en a d'autres. Ton party, ça pourrait s'appeler le Coaticool. Moi, j'ai pas de Coaticool. Le Coaticool. J'ai le Coaticool. Oh, le cool Coaticool. Excuse-moi, je me trompe de... Donc, bien nommer son party. Ouais. Ça, ce serait peut-être la première règle d'or. Ouais. Bien nommer son party. Combien qu'il y a de règles d'or? Il y en a 10. Laissez-moi toutes vous les dire. Oui. Premièrement... C'est-tu Chris Rock ou... Il y a un groupe... Le Block Party. Ouais, le Block Party. C'est Chris Rock, ouais. Ouais. Ça, c'est quand même... C'est énorme, je pense. Ouais. Si je fais de quoi à Montréal-Nord, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais, c'est ça. Moi, mes parents, moi non plus. Des bandes, Ben, c'est sûr que c'était pas... C'était-tu à la maison de ses parents? Je sais pas, mais... Block Party était venu à son party? Ouais, ben, c'est lui qui a fondé ça, je pense. Je sais même pas c'est quoi Block Party, en fait. Mais c'est un groupe de musique, ou ben c'est... Non, non, mais là, c'était, ça s'appelait le Block Party. Okay. Le Chris Rock Block Party. Ouais. Okay. C'était énorme. C'était genre de choses d'humour, là. Et il y avait des bandes, il y avait plein d'affaires. Ça a révolutionné, okay, cette affaire-là. Ben, si on prend le... Si on divise le problème, là, il y a le problème de plus gros party. Ouais. Parce qu'il faut faire le plus gros party de sa région. Ouais. Et l'autre problème, c'est sans perdre le contrôle. Ouais. Parce que la maison des parents, ben, tu le fais là. Là, tu sais, c'est... Ouais. Ben, y aurait la solution, engager les gardiens de sécurité. Oui. Oui. C'est fun comment t'es plate. Ouais. Non, mais j'imagine oui, que t'engages les gardiens de sécurité pour que tu sers les bibelots et les objets. Tu manges tous les bibelots et les objets dans la voûte. Dans la voûte. La voûte parentale. Moi, j'ai... Avec tous les souvenirs d'enfance, ouais, le berceau doré. Ouais. Ben, ça, c'est des Richie Rich. Ouais. Je pense que j'ai une très bonne idée. Ouais. T'sais, mettons, je sais pas c'est quoi, Patrick Nadeau. Là, ouais. Donc, il pourrait dire que c'est le party de la frat, genre Epsilon... Nadal. Babylon 5. Ouais, tu sais, comme une frat d'université. Tu sais, ouais, c'est des grandes maisons sur deux étages. Puis tu ranger justement les objets de valeur, mais en faire un frat house party. Pour que ça, c'est le. Le ça, c'est genre, pour que ça dérape. Pour que ça dérape. Soit gros. Ben, ça, c'est pour que ça soit gros. Moi, je pense qu'il faut que tu ailles des bands, ouais, connus. Ouais. Mais des bands locaux aussi. Ouais. Pour que, ouais, ça l'attire. Pas juste locaux, mais non. Non, faudrait que tu ailles. Locaux, pas, mettons, t'invites les Black Keys, là, même si t'es à Cowansville. Non, je dis locaux, mais je veux dire locaux locales. Ou locaux! Don't you know I'm loco? Mais. Oui, des groupes. Un mini festival, quasiment. Oh. Ou des pièces thématiques. Oui. Oui. Ou un party à la Eyes Wide Shut. Oh. Tu sais, dès qu'il y a quelque chose de sexuel, c'est sûr que ça vient. Ah, c'est sûr. Puis dès que c'est masqué, et là, ouais, les gens ils ont l'impression d'être dans le Roméo et Juliette. Oui. Le remake. C'est bon, parce qu'en fait, ça peut dégénérer, tout ça, mais... Il n'y aura pas de bibelot cassé. Ça peut pas. Ça dégénère, ça, mais ça dégénère pas. Tu casses du G-Prox. Non, ça dégénère sexu. Ça dégénère sexu, puis ça, ben, ça. Tu pètes les scènes. On va. Tu pètes les scènes. Hey, dans un. Dans des un couple. Puis chacun repart avec ses dégâts dans ce cas-là, c'est puis ça, c'est ça qui est bien. Ah, oui. Dans un épisode de Community, il y a une application, je me rappelle plus c'est quoi le nom, c'est genre une application de chat, mais oui, oui, où tu rates les autres, là, oui, sur oui, un oui, sur oui, cinq. Puis rapidement, ça devient... 5 castes. Ouais, 5 castes. Mais tu c'est ça, t'as une application pour ton party que si tu vois quelqu'un faire du grabuge, tu le downvote. Oh oui! Puis là, un moment donné... C'est ça, tu te fais sortir ou... Tu frencher hors de ta classe. Oui, c'est dans une beauté, c'est la merde. Ouais. C'était un grand épisode. Ah oui, c'est excellent, allez voir ça. Tu connais-tu Community? Non. Sur Netflix. Superbe, cette carte. OK. Ouais. Une autre façon d'éviter que ça dérape, c'est d'inviter des gens intelligents. Des fois, c'est les pires. Ouais. Ouais, comme les docteurs en initiation à McGill. Ou comme les athlètes aux Olympiques. Ouais, aussi. Moi, quand je travaillais à l'hôtel, ouais, les parties d'avocats, de médecins, ils ont tellement de pression, c'est tellement lourd que quand ils ont la chance de faire le party, et ça dégénère comme jamais. Les professeurs de coquilles, là, c'est que vous avez pris le problème à l'envers. Moi, j'ai dit inviter des gens intelligents, j'ai pas dit des gens qui ont beaucoup d'éducation. Ah ouais, c'est ça. Deux choses différentes. Il faut être un peu intelligent pour être mieux. Donc, ben, tu leur fais faire un test en rentrant. Médecin, oui. Non, mais tu sais, t'invites du monde en qui t'as confiance. Du monde pas calme. Ouais, est-ce que ça devient le plus gros party de ta région? Ben, ça dépend c'est quoi ta région. Ça, ça serait une autre solution. Déménage dans une région où il se passe fuck all. Là, tu mets un party à 15, puis c'est le plus gros party de ta vie. C'est vrai. Choisir sa région, c'est un bon... À Yellowknife, là, c'est peut-être plus simple de faire des gros parties. Mais il faut que tu fasses déménager tes parents. Oh! Ça se fait... Hey, vous seriez tellement bien. Tu trouves une famille adoptive. Oh. Ah, ouais, ouais. Adoptée par des gens qui habitent dans un... Papa et maman de White Horse. Sinon, une solution un peu plus globe, mais tu sais, t'attends que tes parents décèdent, puis avant de vendre la maison, là, tu fais le plus gros party de ta région. Une fois que c'est signé... Une fois que c'est signé, une fois que tu sais que tu t'en débarrasses, là, tu fais le plus gros party de ta région. Mais peut-être pour pas perdre le contrôle, toi, tu ne bois pas. Ah oui. Peut-être engager une femme de ménage par pièce. Une... Elle ramasse au fur et à mesure. Ouais, une portugaise zélée, là. T'sais. Un garde de sécurité et une femme de ménage par pièce. En fait, c'est ça, c'est des équipes par pièce. Ouais. C'est ce que tu viens de dire, là. Oui. Ouais. Est-ce qu'on pourrait ajouter quelqu'un à ça? Qu'est-ce que tu penses d'un robot... un robot électronique, là? Un Roomba? un gardien de sécurité, une femme de ménage et une Dyson intelligente. Moi, je propose, pour que tout soit répondu, un agent de sécurité, une femme de ménage et un représentant Molson. Oui, pour faire le Vinpage. Un DJ. Peut-être une dominatrix par pièce aussi, qui s'assure que... Oui, il y a des coups de fouet qui se donnent. Ouais, puis quand ça chire, elle appelle non, mon coco. Non. Fait que le party lève, mais le party lève pas trop. Un désagréable par pièce, mais genre que les gens font ah non, je veux pas être de même. Qui change de pièce. Ouais, c'est ça, ça les ferait peut-être changer de pièce, mais tu sais, qui font ah, lui, il est désagréable, je veux pas être comme ça, moi. Mauvais exemple. J'ai une autre idée. Un peu murder mystery. Ouais. Dans lesquels les gens doivent se promener de pièce en pièce pour trouver des indices. Donc, pendant qu'ils sont pas dans les pièces, ben la femme de ménage range tout. T'sais. C'est bon ça. J'écoutais pas. Ouais, moi aussi je suis tombé dans l'une. C'était si plate que ça. Tu faisais clou, là? Oui, mais moi, peu, moi, en fait, je me suis mis à penser au jeu de clou, puis je faisais ah, oh, clou, puis j'ai comme. Ah, oh, clou! Oh, c'est donc, ben! C'est ça se couvre de pièce en pièce. Une autre solution, ça pourrait être d'organiser le party chez les voisins de tes parents. Ça, ça va devenir assez gros, ça va devenir un peu chez tes parents, mais le centre du party va pas être chez vous. L'épicentre, le ground zero. Tu peux perdre le contrôle dans l'épicentre. C'est ça. Mais toi, tu es comme en périphérie chez vous. J'aime ça. Ouais, avez-vous vu le film? Faut pas dire à maman que la gardienne mange des petits. C'était mon film préféré quand j'étais petit. Qu'est-ce qui se passe, ça? La gardienne meurt au début du film? Elle meurt au début du film. C'est la plus vieille, l'ado qui a pas d'argent parce qu'ils ont enterré la gardienne avec l'enveloppe de cash que les parents avaient laissé. Il faut qu'elle se trouve une job. Oh. Donc là, elle va travailler dans un truc de mode. Wow. Et elle est talentueuse, c'est le final. Wow. Tout était là. Moi, c'est Weird Science. Ouais, oui, la femme de rêve, là. Ah oui. C'est créature de rêve. Créature de rire. De rêve. De rire. De rire. Créature de rire. De rire, de rire. Laissez-moi vous parler de créature de rire. Ma préf est de retour. J'osais pas t'en demander. J'ai fait le meilleur party de Pâques de Ville. Ah, R2D2. Je pensais que c'était Normand Bratois. Ouais, c'est pas clair. Ça vient de du même imitateur. Non, moi, je vais m'entendre jamais. Qui Mais dans ça, la fille à la fin, elle règle tout. Là. Il y a comme un rewind sur tout le party. Ouais. Oui, c'est vrai, elle règle tout. Ouais. Sauf Chet, le frère qui est transformé en gros blob. Ah oui. Oui. Elle avait des pouvoirs. Ben, étonnamment, oui. Je pense que scientifiquement, ça se peut pas, ce film-là. Ah, OK. Non, ça, c'est il n'y a pas de fille qui peut sortir de l'ordinateur. Il n'y a pas de fusée qui peut grossir dans ta maison. Non. Je me rappelle pas mal juste la passe des boules. Ou du... Des soutiens-gorge sur la tête. C'est obscur, j'étais jeune. J'aurais une autre idée pour faire le gros party. Ce serait de faire un revival du party dans La Revanche des Nerds. Oh! Tu sais. Lambda, lambda, lambda. Tu sais, le band avec. Ça, c'est ça, le monde vient, c'est ça. La meilleure tune au monde. Le gars, attends, il jouait du violon électrique. Oui. Moi, je me déplace. En violon électrique, je me déplace. Puis le rap du Black, là. Clap your hands, everybody. Quelque chose du genre. If you got it, what it takes. Je sais pas si c'est ça qu'il disait, mais il chantait comme ça. Il rappait comme ça. Sinon, tu le fais à l'extérieur de la maison. Tu t'arranges pour comme toute place. Tu utilises l'intérieur de la maison comme... Tu places les sneakers dans les fenêtres. Toi, tu as juste accès par une porte, mettons, pour genre fournir l'alcool. Non, mais les toilettes, tu fais une toilette chimique dehors, mais tu utilises vraiment juste l'extérieur. Pas l'intérieur. Tu organises le plus gros party. Là. Tu mets le paquet, tu invites des bandes, tout ça. Tu te promènes avec un gun à paintball. Ouais, puis tu shoots ceux qui font tout. Ouais. Tu gunnes. Et ce qui est fort, c'est que la peinture à l'intérieur d'une maison, ça ne fait pas de dégâts. Non. Says no one ever. Tu fais deux pierres d'un coup. Ça peut être juste des petites balles de... C'est toutes des balles de peinture beige. Non, ou des balles de peinture de d'eau. Ah oui. Ballon d'eau. Ça fait plouch. Si tes parents se font construire une maison, ouais, c'est le temps d'y aller, tu sais, parce que là, les murs, ils sont sous le J-Proc, tu sais, comme... C'est vrai. Partez dans une maison en construction, là, tu sais. Donc, les conditions gagnantes, avant que ça soit construit... Ça a déjà de l'air d'évoluer, tu sais. C'est ça. Une maison avec juste des studs, là. Pas, ouais, pas c'est ça. Exactement. Ou t'achètes des gros rouleaux de carton... Où tout le monde est tout. Tu cartonnes la maison partout. Peu importe où ce qui va arriver. Comme dans les tournages. Comme dans les tournages, mais pour vrai. Ton tournage. Ou du papier bulle à grandeur. Non seulement ça protège, mais le monde triple à péter des bulles. Tout le monde doit porter un casque de construction puis des bottes à cap. Oui. Ouais, peut-être protéger tes invités. Tout le monde a un casque de vélo, quelque chose genre. Tout le monde est dans le soccer avec les grosses bulles. Hein. Tout le monde est dans une grosse bulle. Comme ça. Ça, tu peux rentrer 4 personnes. Ouais. Non, mais tu fais ça à l'extérieur. Là, tu vois plus ton chum dans sa grosse bus parce qu'il a vomi. Sinon, t'achètes juste des couleurs à 0.4%. Oh, puis tu as dit, t'as ça, ça te fait. Non, mais tu mets tout ça dans un gros bol, tu fais genre, c'est du punch. L'effet placebo va embarquer, c'est sûr. Tu vas chercher une commandite, Casal Domingo. Oh, oui. Hey. Ou, ouais, j'allais dire contraire, t'es. T'es saoul ou t'es blast là, rapidement. Ouais. Là, ils sont tous amorphes. Une autre idée, c'est de dire mon père, c'est Barbe Bleue. Là, tu sais, tu mets. Tu ne vas pas dans la tour du haut. Oui, tu mets tous les objets de valeur dans une pièce, dont la clé est souillée de sang. Là, tu sais, comme. Tu leur racontes l'histoire de Barbe Bleue. Jusqu'à ce qu'elle ait une petite courageuse Anne. C'est-tu Anne? Non, Anne, c'est sa sœur. Ouais. C'est l'autre, là, la femme à Barbe Bleue. Je pourrais pas le savoir. Ouais. La bichette, non. Océane. Je pense encore à comment faire le plus gros party de la région. Évidemment, avoir des commanditaires. Ouais. Puis, tu sais, tu perds pas le contrôle parce qu'habituellement, les commanditaires veulent garder la face. Mais pas n'importe quel commanditaire. Il y a des commanditaires de club que tu peux pas avoir. Non. Un party, mettons, c'est Monsieur Net, c'est pas un bon commanditaire. Non. Non. Monsieur Net, non? Dirais-tu un festival Monsieur Net? C'est sûr que non. Monsieur Net, il y a l'émission à Musique Plus ou Monsieur Net, le nettoyant? Dans les deux cas, je pense que ça serait le meilleur. Ben, ça m'intrigue, moi. Ouais. Mais ça ben, parce que Monsieur Net de Musique Plus, là, que ouais. Tout le monde a un Bluetooth. Ouais. J'allais dire, sinon, tu fais le gros party, là. Tu fais la promo, tu invites tout le monde. Mais tu sais, à 3h du matin, tu sors un Michoui, mais un hostie gros cochon. Oh, oui. Puis là, les gens mangent comme des porcs. Tu sais, quand tu as mangé après ça, tu as juste le goût d'aller pêcher. Tout le monde va s'en aller. Avec du gravy lourd. C'est du gros gravy lourd. Donc, un food truck de cuisine. Ça ouais, fait ouais, job. Mais c'est un gavage party. Ouais, fait qu'ils ne peuvent pas manger avec leurs mains, il faut que tu les gaves. Il faut qu'ils mangent à même le cochon qui tourne. Oui! Là, après ça, ils sont vannés. Ils sont une fois vannés, ils sont bons. Ouais. Vanille me coucher. Mais non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas dit crise égale opportunité, là. Mais quand quelqu'un est hors contrôle, tu lui fais faire le challenge du moment, là, comme le Ice Bucket Challenge, où il doit donner à une cause. Ah oui! Et là, on est plus là, t'as un petit thermomètre. Oui. Mais pourquoi pas jumeler ton plus gros party avec le Ice Bucket Challenge? Tu sais, t'attires tous ces gens-là aussi, t'es sûr de faire le plus gros party de ta région. De ta région. Ma référence aux Simpsons de cet épisode-là, l'épisode où Bart et Lisa font un party trop gros, et grand-papa Simpson fait semblant de brailler. Oui! Jimmy Sweeney fait semblant de brailler! Non, ça c'est M. Caron. Mais ça ressemble un peu. Ouais, parfois. Mais il y a des traces de pieds au plafond. Ouais, c'est ça. T'sais. Le chien liche le chat. Ils sont un peu mal. Ouais, ouais, ouais. Mais pour vous, ce serait quoi le plus gros party? Parce qu'on a une idée du plus gros party, mais ça pourrait être autre chose. Pour tout le monde. Ouais. Moi, je le vois sincèrement comme frat house party à au premier étage et Eyes Wide Shut au deuxième. Ouais, il faut qu'il y ait une pièce plus sexuelle. Ouais. C'est ça, les parties bonnes. Ça fait que tu tiens genre jusqu'à 6h du matin. Exact. Des drogues dures. Moi, je veux des drogues dures. Qu'est-ce des drogues? Phil Pedo, qu'est-ce qu'il nous écrit? Des drogues, un DJ. Il n'y a rien écrit pour l'instant. Non? Non. Il a écrit... Hein? T'as ça, toi? Oui, moi... Ah, je pense qu'il t'écrit à toi, personnellement. Moi, j'ai le fille de pédo. Il écrit... inciter ses parents à s'acheter une garderie et faire le party là. Oh! Ouais. Fouiller tous les jours. Oh! Oh! Mais faut trouver c'est qui, parce que là, il dépasse... Il dépasse les blocs. Les blornes? J'ai dit les blornes. C'est quoi ça? Je le sais pas. Les blornes? C'est comme les bourgots. Ah oui. C'est les bourgots. Moi, je veux une fois. Ouais. Tu sais, je sais que Fred, tu es appelé à m'en manquer bientôt là, des podcasts. Ah ouais? Et que Edith va peut-être te remplacer. Ça serait malade. Tu nous parlais de ta semaine au Sahara. Oui, j'en ai déjà parlé, hein, que c'est mon ami Facebook. Oui. Un jour, là, faut qu'elle vienne. Je l'ai vu construire une cabane là, cette semaine sur Facebook. C'est malade. Oui. Elle construit une cabane. Ajoutez-la, je pense qu'elle va vous accepter. Moi, j'ose pas, là. Mais je vais le faire. Je sais même pas de qui on parle. Edith Butler. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce encore à Pocketville? Oui. D'ailleurs, ça, pendant un party à Pocketville. Oui. C'est sûr que t'as le plus gros party de Pocketville. C'est ça qu'elle dit tantôt. Moi, je vais capoter si Des parties thématiques, tu sais, ça... Ouais. Ça attire tout le monde. Tu sais, faut pas que ce soit médiéval. Moi, j'ai organisé deux parties à la maison dans ma vie. Le premier, c'était « Venez déguiser comme quelqu'un qu'on connaît mm-hmm. ». Ça, c'était le fun, tu sais. Les gens s'échangeaient du linge pour avoir l'air de tout le monde. Et le deuxième, le party qui a le plus fait de ma vie, j'habitais dans la Côte-des-Neiges, c'était la « Porn ailleurs » à « Porn des neiges ». Donc, il y avait 5 écrans, la porn était projetée partout dans la base, et les gens venaient déguiser en personnages typiques de films pornographiques. Mais c'est drôle, ça. Ça a été malade. Ça a fini comment, ça? J'avais payé une jeune comédienne. Tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré chez eux. Chez les autres. Ouais. Non, j'avais payé une jeune comédienne qui écoute notre podcast, possiblement. J'y avais donné 20$ pour qu'elle fasse un rituel à la Eyes Wide Shut. On l'appelait Fidelia. Elle avait mis une guêpière et c'était un petit érotique dans le salon. C'est-tu vrai? Ouais, en 2004 que j'ai fait ça. C'est avant qu'on se connaisse. C'est dans un drôle. C'était avec ma gang de com de l'époque. Ça avait fait ta gang de con? Oui, de avec notre collègue Guillaume. Guillaume Bergeron était sûrement à la pointe ailleurs, à la pointe ailleurs. C'était moi et Émilie Accord. Expliquez-vous, je suis comédien. Oui. C'était un peu pour clore mon bac en com. Mais si... Tu vois, ça l'a levé parce que c'était sexuel. C'était vraiment... Si t'invites tous les sourds... Oh non! vas-tu me faire un parti de saut? Non, il n'y a pas de grabuge. En tout cas, c'est... Il n'y a pas la police qui vient pour le bruit, c'est ça. Ou peut-être qu'elle vient pour le bruit parce qu'ils ne s'entendent pas et ils décalissent tout. Ou ils viennent pour... Tu es obligé de mettre la musique vraiment fort juste pour sentir la basse. Oui, les vibrations. Ouais. Ouais. Ben, tu peux juste mettre la baisse dans le tapis, dans le plancher. Il y avait un film de ça. C'était quoi ce film-là? Hein? C'était une danseuse sourde. Je sais pas. J'ai vu ça. C'est un vieux film. Tu te trompes avec les Simpsons ou Barry White, il attire les serpents. Là, je pense que c'est Dancer and the Sourde. Dancer and the Sourde. Non, mais en vrai, un film des années 80. Après, quand on jouait à l'EQCAM, je sais pas si dans votre temps c'était ça, mais on allait dans un bar après, puis le jeudi ou vendredi soir, c'était comme un party de sourds. Ah. Oui, il y avait souvent des sourds. Qui s'est rejoint. J'ai juste ça. On allait à l'après-cours. Ouais, c'était là. C'était à l'après-cours que ça. En tout cas. Feu, l'après-cours. Feu. Mais tu sais, t'as un party de sourds, puis on est juste deux dans la place qui entendent. On se parle de bord à bord de la maison. Ça va bien? Oui! Et vous, les sourds? Bonne abonnée! Sinon, t'invites tous les amis de tes parents aussi. Tu fais un party de vieux, puis après ça, t'invites le reste de vieux. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais ça peut dégénérer des vieux. C'est une bonne idée. Là. Vraiment? Hey, ils font plus le party. Oui, fait que t'imagines si t'en fais un gros, puis que tu t'es rendu complice de ton party. Là. Ouais. Mais on n'a pas mélangé avec la thématique sexuelle de plus tôt. Oh non. Ça, c'est spécial. Mais attends, si tu te pognes pas tes parents, ça peut être intéressant, pareil. Mais c'est parce qu'une fois sous, tu sais plus. Les corps se mélangent. Des corps, c'est des corps. Hein. Oh, des nuées de peau sur un temps. T'as des images mentales. Donc, j'irai pas là. Bon, les préjugés, nos parents, les corps. Hey, vous le savez, les gars, quand on a fait il n'y a pas de problème party, là, on s'est juré de ne pas en parler en ongles. Mais qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Ça a trop dégénéré. Ben, c'est parce qu'on savait qu'il fallait faire un party sexuel. À cause du butt plug pis de la hot sauce. Le butt plug à Simon Poussin qui nous a starté, là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Ah. Il réglait des problèmes. Il réglait ses problèmes. Ouais. Sur Twitter, on a Marc-André Fortin qui nous écrit « Avoir sa maison sur une île ». Oh! Donc, quand on parlait de déménager, peut-être plus... Ouais. Autant ça attire le monde, autant c'est... Ouais. Où tu... C'est ça fait une moyenne. Ouais. C'est lifeguard, là. On est lifeguard. Ça aide le facteur sexe. Ouais. En plus, dans la thématique. Tout à fait. Mais sinon, tu sais, des fois, là, ils déplacent des maisons sur des camions, là. Oui. Mais là, quand tu sais, dans un camion. Oui, c'est ça. Fait que le son, il bouge constamment. C'est une bonne idée. La police vient jamais. T'sais. Genre une maison Bonneville. Une maison Bonneville, là, en route, ouais, là, mettons. Un autobus. Faut que tes parents habitent dans un autobus. Mais si tes parents habitent dans un autobus. Faut pas que tu changes de région parce que là, t'as deux régions à faire le plus gros party. Oui. Inciter ses parents. Il y a des régions. Des gypsies. Hey, des bohémiens. Des roulottes, des bohémiens. Des zingaras. Des romans Michel. Des romans Michel. Des romans Michel. Mais tu peux inciter tes parents à acheter une maison à party. Qui ne sert qu'à ça. Un chalet. Une deuxième maison. Une deuxième résidence. Un chalet. Une maison à party. Un aparté. Un aparté. Un aparté. C'est tellement de jeux de mots. Un aparté, votre main! Mais je sais pas combien de temps ça prend de griser. Tu sais, si t'as des équipes, là, mettons, de 3 ou 4 personnes, puis il y en a un qui est responsable des autres, puis ça switch après 3 heures. Là, j'essaie de voir. Là. Un bad party désigné, là, comme un conducteur désigné. C'est mais... ça. Fait que t'as toutes des petites équipes. J'aime ça. Mais. Je sais pas. Non, ça a l'air plate au bout. Ça a l'air plate au bout. Tu sais, tu riais d'Étienne au début. Parce non, mais faudrait peut-être. Peut-être que celui qui s'occupe des autres, mais il se fait faire des pipes. Oui, lui, c'est ça. C'est ça, il a dit. Il faut qu'il y ait quelque chose de sexuel. Oui, c'est ça. T'invites les hors. Non, pas parfait. Fait que eux, ils boivent pas, mais ils sont là. Oui. Mais tout le long, ils sont là comme. Mais il y a de la bière! Un keg de mou de pomme. Ouais. Jus de canneberge. Party de femme enceinte. Ah, ouais, mais ça, là. Hey. Ça devient le plus gros. Hey, on est quatre mâles alpha autour de la table. Là. Les showers de bébé, on va se le dire. Là. Ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer. La O.N.R. est dans la couche. Là. Ah, c'est la vue de cadeau. La vue de cacado. Michel Le Cordonnier écrit « Habiter une région très, très peu peuplée ». On avait parlé de ça. On l'avait dit déjà. Mais non, mais je ne sais pas lui dire salut. Elle n'a pas dit une île, elle a dit très, très peu peuplée. Il a dit, ouais. Non, mais Étienne avait dit ça, peu peuplée. Ouais. C'est parce qu'on t'écoute. C'est pas vrai. C'est quoi la région la moins peuplée? Au Québec? Ouais. Le nord du Québec. Ouais. Mais c'est grand comme région, ça? En Attachquan. J'ai un ami qui revient. Venez dans mon party! C'était un événement culturel à Attachquan. C'était la fin du monde. Là. Les parties? Oui, c'était le bout du monde et la fin du monde. Mais les gens chirent là-bas. Là. Oui, ça chire. C'est comme au Nunavut, là, je veux dire, l'alcool coule à flot. Écoute, puis la gasoline des sacs en plastique aussi. La colle. Moi, mon plus gros party, je pense que c'était l'an 2000 chez nous. Ah oui? Ouais. Le jour de l'an de l'an 2000. Il y avait tellement de monde dans cet appartement. C'était dans le coin du métro Laurier? Non, non, j'étais Saint-Hubert, Napoléon. La maison à party. La maison à party. Moi, mon plus beau party quand j'étais jeune, c'était chez un ami que ses parents avaient un bed and breakfast, puis ils nous avaient laissé le bed and breakfast. Wow. On dormait là. Ça avait vraiment Ah oui, il y a les standards aussi. Tu sais, je veux dire, pour pas que ça dérape, là, si t'as des standards assez bas, ben, ça peut déraper plus. Non? Mais là, David a raison, tu sais, ça dérapera pas si le monde fourre et si le monde mange. C'est ça qui fait que ton party peut être super le fun. Et les deux se combinent bien. Ben, oh, oui. Tu manges, tu dors. La grande bouffe. La mère, par contre? Ouais, ouais. Donc, un pénis pis une bisoune par pièce. Ah, mais j'en ai un. La grande me bouffe. Oui. La okay. Grande me bouffe. Dans quelle pièce de ton jeu de culio? Derrière quelle bibliothèque? Dans le conservatoire. Ton jeu de clu? Me bouffe dans le conservatoire. Ton jeu de clu? Ton jeu de clu? Mon jeu de clu? Avec le chant de... Avec le ranch. Dans l'anus. Avec le lead pip. Oh! Oh. C'est comme... C'est quoi déjà le... L'anecdote, là, de... Le, voyons, c'est l'émission des couples mariés, là, qui répondent des questions sur l'autre, là. Ah oui, The Wedding Game. Ouais. The Wedding. Puis disait, c'est où la dernière place que vous avez fait l'amour? India. Dans la... India, c'était drôle, ça. C'est terrible. Lui, il dit genre, yeah, you can see it. You can see it. Ah ouais. Ça a pas de... C'est malade. Lui, il dit la cuisine, genre. C'est malade. Sois pas gêné. Sois pas gêné, dis-le. Ouais, dis-le. In my ass. Pa-pa-pa-da. Bon. Ça, c'est cette party. Là. On a-tu des solutions préférées ou on n'a pas? T'en as dit une, moi, que j'ai bien aimé, puis je m'en rappelle plus. C'est toujours ça à chaque année, à chaque semaine. À chaque année. À chaque année. C'est ça, par année, ça arrive. Moi, ma solution préférée, ça reste le la maison sur un camion. J'aime bien ça. Ouais, hein? Un party de maison sur un camion, c'est sûr que je me déplace dans tous les sens du terme. C'est comme aller sur un party de bateau, mais ça arrive comme une fois. Ça fait en sorte que tu peux pas boire? Ben non, tu peux boire. Hey, déjà que tu t'organises un party dans un camion qui roule. Moi, je pense que c'est pas légal. C'est sûr, c'est pas légal, mais y a rien de légal dans nos solutions sexuelles aussi. Là. Non. Ben, quoi? Les adultes consentants, non? Non, c'est ça. C'est que moi, dans ma vision, personne n'est consentant. Sauf Phil Pédo. Phil Pédo, lui, il a tout ramassé. Un rave party. Tout le monde se déplace. Ou un rave party. Hey, ça, on n'a jamais partagé ça, là. J'ai jamais fait de rave. Non, mais Rave Party, c'est une des chansons de l'opéra Cendrillon de Luc Besson. Ah, mais oui, c'est dégueulasse. Où es-tu passé la nuit? Dans une rave party, dans une rave party. On va vous la mettre sur... C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il se passe tellement rien sur cette scène-là. Ah. C'est gênant. Ah, c'est... Oui, mettre cette chanson-là peut faire à la fois le... pire et le meilleur parti. Mais je pense qu'à 2h30 du matin, quand tu mets cette tune-là au maximum et que les gens savent la référence, le parti relève pour une heure. Ouais, c'est ça. Moi, j'allais dire, pour les gens qui ne connaissent pas la référence, je pense que c'est un peu un deal breaker. Ouais, ça se termine. Ouais, c'est ça. Tu peux l'utiliser comme tu veux. C'est un art à double tranchant. Mais un gros parti fou, là, moi, je pense que j'achèterais des paris de bière, puis je ferais genre des styles. Il y aurait des sections de bière en fût partout. Ouais, des juste kegles, ça. Là, les gens amènent des verres en plastique. Votre verre. Un jardin zen. Ou c'est peut-être de prendre des bières très lourdes, des bières irlandaises à 10% là, qui vont taper. Moi, la dernière fois, quand j'étais jeune, je m'étais saoulé à la fin du monde. Là, ouais, je me suis réveillé dans une headset. C'était la fin du monde. C'était la fin du monde. Ben, si vous en avez des solutions ou des problèmes, écrivez-nous sur notre groupe Facebook. Ou des parties, invitez-nous. Hein? Oui, si vous avez des parties, invitez-nous. Des parties de problèmes. Via Facebook, que ce soit sexuel. Via Twitter ou pas de problème, @gmail.com, par courriel. Faites ça immédiatement. Et oui, là, arrêtez le podcast là. Ah, vous êtes revenus. Donc... N'oubliez pas de nous voter pour nous sur iTunes. Oui. Hein? On va être au top du top. On est déjà la balado. 5 stars. Ouais, c'est 5 étoiles ou rien. Parce que sinon, on veut pas de compromis. Nous autres, il n'y a pas de zone grise. Pas de zone grise. La lime, c'est-tu reparti, là? Ou c'est pas reparti? Non. En fait, dans quelques jours, il y a le spectacle... Le 28 septembre, oui. Venez voir qui qu'on va... Au Lion d'Or, le camp public. Ça va d'être fou. Ça va d'être fou. Et n'oubliez pas... c'est ça. Allez sur l'insta.com nous donner un don ou aller acheter notre T-shirt. Oui. Et puis, là-dessus, Twitter... Il n'y a rien d'autre. OK. Le mot de la fin, Mathieu. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Turkey Bill, Turkey Bill.